je suis posé sur le living room. 3h du mat, on frappe à ma porte. Ouais gros, c'est moi Project, est-ce que ça va? T'as des gadgets? Viens dans la petite pièce dans le fond, y'aura ce qu'il faut. Ouais, tu veux quoi, un coup de cuisine ou un 11-43? Cherche du matériel lourd, genre scanner, portable, une gaufre pour mon pote drive. Prends les clés de la grosse berline allemande, y'aura de quoi de mettre toute ta bande. Attends 10 ou 15 minutes et puis les vitres on les teinte. En même temps, rajoute-moi des gants de chirurgien, j'en veux 16 pour éviter les empreintes. Et dis-moi, y'a des planques sur le côté, le moteur il est gonflé. T'inquiète, il est gonflé à bloc, t'appuies à peine sur l'accélérateur et ça déboîte. Ok, salut MK, j'ai rendez-vous, faut que je me casse. Ouais, en fait, tout a commencé sur un coup de tête. On a monté une équipe, tu vois, une équipe solide, chacun sa spécialité. Toi, tu bouges pas, tu restes à ta place et t'attends ton coup de fil. Mon téléphone sonne, faut pas. Ouais gros, j'suis OP, dans un quart d'heure à BP. Ok, j'suis dopé au seum, ce matin j'suis chaud, bouillant, j'ai le seum, j'pense qu'à brasser. J'vais le braquer, moi et mes couilles que j'cesse de gratter. Dans la caisse, pas d'armure mais des gants, juste un vieux pétard rouillé qui tire. Photo putain, j'prends la tire, le tir, dans ma ligne de mire, l'oseille. Pour ça j'tire des rapports, par rapport à ceux qui tirent. Moi j'tire sur les porcs qui s'tirent pas quand j'rentre. Dans le PMU j'suis rentré, sorti d'emblée, mec sans trembler. J'ai largué les decks, le bolide impec, mais putain faut que j'me tège, faut que j'm'allège. Fais tout ainsi que mon 3 carbèges, tout ça fait j'me défaite, tout soupçon puis trop vapé. Pour qu'il gagne ma fraîche le temps que ce soit calmé. En plus, je connaissais deux mecs, deux pointures. T'as vu, des gars sûrs, pas trop grillés, qui font dans la discrétion. Ouais, des habitués de genre de boulot. Des frères siamois, des mecs hyper synchro. On fait pas dans la cam ni dans les pilules, même si on fait le sale boulot. Un sac de sport, des tubes, des lolos, des bolos, des euros. J'connais un mec à qui la mettre, au casse-pipe même pour un doro. Paro, taro, barrette, son barrette dans le créneau. Ça craint, dans le coffre ou sous le capot. Sur le carreau, les mecs finissent défigurés. Parole de salaud, personne parle au sens figuré. Un démon, moi j'suis pas posé dans les living room. J'suis recherché par le shérif, du comté vas-y, rime caroule. T'inquiète poteau, j'bombarde, j'suis actif. J'ai un œil sur le rétro, un autre sur le spiff. Tiens, tu veux fumer poteau? Non, pas trop, après le coup, non, t'en auras des. Okay, on sera avec des fous, en caleçon et concentration. Nous j'ai trouvé une petite baraque pépère, aménagée à ma façon. Pas un truc de crasseux, y'a de quoi tenir trois saisons. Hey gros, y'a combien de mecs qui savent on est où? Y'en a qu'un, un ami à toi? Non, un ami à nous, papou. C'est bon, y'a plus qu'à attendre les hommes demain. Des tapers amènent les trucs, j'enterre les sables dans le jardin. Ça devient trop complexe là, j'étais obligé de jeter ça et de donner le blé au gros bonnet là, d'où tu sais. J'suis filoche là, faut que j'éteins mon portable et rendez-vous, tu sais. J'suis baro, j'marche en solo et j'porte un blazer. Débarche de bonhomme, moi j'm'affiche pas comme Sosé Kaiser. J'récupère le sac, il était pas loin de 19h. Leur tourne poteau, pour tout ça j'ai qu'un quart d'heure. Pour pas que j'me fasse péter, j'me fonds dans la masse. En plus j'suis un peu pété, mais faut que j'laisse aucune trace. J'ai des clés dans une consigne à la gare, j'suis rusé. Quand j'récupère une voiture banalisée, bien organisée. Tellement de choses à ne pas dire que ma mémoire est pleine. Tellement voulu oublier, j'en ai perdu le code PIN. La fin de mon parcours, j'vous la raconte pas, les balances, tu sais comment c'est. Va vous laisser tracer ma route, car j'suis filoché. On pensait que ça allait foirer, mais heureusement qu'il y avait les deux Comoriens là. Les deux Comoriens qui étaient là pour attraper le coup. C'est les gars qu'il fallait pour ce boulot, de toute façon. Voilà, allez, plus tard. Je récupère OGB sur ma bécane de sport. On me paye pour gêner les ports, j'ai tous les passeports. Après notre diversion, direction l'aéroport. On va pas te raconter diversion, personne n'est mort. Toujours calme, jamais en sueur, même affolé. Le temps qu'ils élucident notre manège qu'on a décollé. Notre histoire s'évapore sous un soleil orangé. Tous postichés à bord, on compte tous se ranger. On s'est fait la malle, comment on leur a fait mal, mais restons sur nos gardes. Aucun mandat international et que tout le monde ferme sa gueule. Tu finis comme Benny Siegel, on teste en whisky. On est des pros comme Merlansky. Même l'héritage demande c'est qui? C'est la mafia qui a pris dans les choix difficiles. Que personne touche à la cape. On va s'auto-niquer, qu'on prospère notre filière. Dans le pétrole, les chaînes hôtelières. On a fait le coup du siècle, on a exaucé nos rêves. On prend toujours la main devant la bouche, pour pas qu'on lise sur nos lèvres. Tant mieux. Dans ce boulot, la devise c'est vite, bien et sans bavure. Et surtout, toujours penser à effacer les preuves.